Ça sent l'appel à la civière. C'est quoi les bails en fait? Si on s'embrouille, faut que tu considères. Le AK-47, un roi sans couronne. C'est mieux qu'un roi sans tête. Ne vous me prenez pas, c'est ALI. Le 667, on n'est plus humain. On se fait chaud sur le net. Pas de shopping, je l'ai niqué. Elle avait rien à se mettre. J'ai le bras tendu, j'attends du béto. De yo à la fenêtre. Des fois j'aimerais juste leur faire tout le mal qu'ils nous souhaitent. Le crime ne paie pas, on m'a dit. J'ai bibi sous le nez des pas. J'ai que deux personnes dans la vie. Le reste n'est que du décor. J'suis disponible qu'après minuit. Tu es très jolie. Mais y'aura pas petit des jolies. Comme ça c'est dit. J'prie pas mais j'oublie pas des himdoulins. Quand j'passe entre les gouttes, on ira où tu voudras. Quand t'aurais que ça à foutre, 9 mm au bout du bras. Si tu te mets sur ma route, passe ta Colombie dans sa tocha. Louis Vuitton dans la soute. J'prie pas mais j'oublie pas des himdoulins. Quand j'passe entre les gouttes, on ira où tu voudras. Quand t'aurais que ça à foutre, 9 mm au bout du bras. Si tu te mets sur ma route, passe ta Colombie dans sa tocha. Louis Vuitton dans la soute. Elle m'a demandé c'est quoi ton snap. Pour m'envoyer sa chatte. J'suis trop vieux pour Snapchat. Envoie-moi sur WhatsApp. Ton cas chargé, j'regarde à gauche à droite. Comme un Siri 4. Avant le show, Jack au goulot. Comme ça j'ai pas le track. Elles ont fait trop de squats. Pas une que j'dévisage. Pourquoi c'est toujours un négro en train d'atterrissage. J'suis dans les bails de penthouse. Le dernier étage. Elle peut manquer mon héritage. Sans faire le ménage. T'as l'air pulpeuse donc épluche-toi. Uber t'ouvre pas la porte. Donc moi non plus manquera plus que ça. Y'a pas toi qui a la cote. Prends-moi la vie de rêve. C'est surcoté de fou. Elle croit qu'elle est belle pour de vrai. La route se fout de nous. J'prie pas mais j'oublie pas des himdoulins. Quand j'passe entre les gouttes, on ira où tu voudras. Quand t'aurais que ça à foutre, 9 mm au bout du bras. Si tu te mets sur ma route, passe ta Colombie dans sa tocha. Louis Vuitton dans la soute. J'prie pas mais j'oublie pas des himdoulins. Quand j'passe entre les gouttes, on ira où tu voudras. Quand t'aurais que ça à foutre, 9 mm au bout du bras. Si tu te mets sur ma route, passe ta Colombie dans sa tocha. Louis Vuitton dans la soute. Il paraît que l'enfer est sur terre. Si c'est ça je prends. Bago Pinky pas à l'annulaire. Je n'ai pas le temps.